Vas-y, parle au moins. C'est pas normal. Bah, branche. Et ça fait bonne qualité le son, sinon? C'est cool. Qu'est-ce que tu fous? Je veux t'entendre.